À l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars, le Palais des sports de Pyongyang a abrité les 6 et 7 des jeux folkloriques et de distraction des permanentes et membres de l'Union des femmes coréennes. Y ont pris part plus de 270 joueuses sélectionnées dans la ville de Pyongyang et les autres provinces pour disputer le jet de ballon dans le panier, le saut à la corde, etc. La ville de Pyongyang s'est classée première au classement général.